Paris, siège du SDEC, bureau de Mathieu Fouché, 13 juillet 1981, 4h30. Entrez. Entrez. Monsieur le directeur, j'ai le rapport sur Jeanne Evans. Alors, nous avons la certitude qu'elle est la fille d'Hector Créange. Répétez-moi ça. Je croyais que Créange n'avait pas de famille. Faites voir. Elle serait la fille cachée de Créange. Vous en êtes certain ? Affirmatif. Si les Américains ne nous avaient pas tuyautés sur ses liens avec Créange, nous ne l'aurions jamais su, monsieur le directeur. Et il ne l'a pas reconnue. C'est ce qu'indique l'acte de naissance. Jeanne Evans née Jeanne Lucie Camille Evans le 16 octobre 1951 à Neuilly-sur-Seine. Mère Suzanne Jeanne Elizabeth Evans née le 25 avril 1926 à Green Bay, Wisconsin, États-Unis. Père inconnu. Et ce n'est pas une histoire d'union illégitime. Les éléments que nous avons recueillis indiquent qu'il a fait le choix délibéré de dissimuler qu'il avait une fille. En 1951. À cette époque, Créange est en poste en Algérie. Elle a grandi auprès de lui ? C'est ce que nous pensons. On attend toujours des précisions de l'ambassade de France à Alger. Dans tous les cas, mis à part sa naissance dans une clinique huppée et discrète des Hauts-de-Seine, on n'a aucune trace d'elle en France avant 1967. Et entre sa naissance et 67, qu'est-ce qui s'est passé ? En 62, juste après la guerre d'Algérie, Créange est resté en poste là-bas. Il a été affecté au centre d'essai des engins spéciaux de Colombéchard. La base a été démantelée en 1967 et l'armée n'aime pas qu'on s'y intéresse, donc ça va être compliqué d'enquêter. Et après ? Créange débute sa carrière diplomatique. Il prend son premier poste à l'ambassade de France à Londres. Officiellement, il est célibataire sans enfant. Bien, mettez la pression sur nos ambassades à Alger et à Londres. Il faut qu'on avance plus vite que la CIA. Et la mère en a quoi sur elle ? Presque rien. Suzanne Evans, pédiatre. Elle et Créange ne se sont jamais connus officiellement. Elle est décédée d'un cancer du sein il y a 2 ans. On n'en sait pas plus pour l'instant. Les types de la CIA vont produire une version des faits qui nous mettent en cause et détruire tout ce qui ne les arrange pas. Continuez sur le parcours de la gamine. Jeanne Evans et sa mère arrivent à Paris lorsqu'elle a 16 ans. Elle entre au lycée Henri IV et obtient son bac C avec mention très bien. Elles partent ensuite toutes les deux pour les États-Unis. Jeanne est admise au MIT en 1969, entre dans la section dite aéro-astro, soutient une thèse en 1976, et Lockheed l'engage dans la foulée. Putain. Comment les Américains ont-ils pu laisser la fille de Créange entrer chez Lockheed ? Comment est-ce qu'elle a réussi à passer entre les mailles du filet de la CIA ? Ma théorie. Elle est tellement brillante qu'ils ont baissé la garde. Major de sa promotion au MIT. Résultat exceptionnel dans toutes les disciplines. C'est une one in a million, comme ils disent là-bas. Qu'elle soit brillante n'explique pas tout. Sa progression est trop rapide. Créange l'a aidé. Il doit avoir des appuis au sein du renseignement américain. Mais de là à tromper la surveillance de Lockheed et à la barbe de la CIA. Et si son père avait planifié tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Il a fait en sorte que sa fille puisse infiltrer la recherche de pointe américaine. Ça se tient, non ? Jeanne Evans est une taupe à son service. Et ça explique pourquoi il a choisi de dissimuler son existence. Un agent dormant. Oui. Elle est complice de son père. C'est pas une simple scientifique. C'est une espionne. Pour le compte de qui ? La liste des employeurs est mince. Vous pensez au KGB ? Bon, continuez. Je vais prévenir l'Elysée, mais il nous en faut plus. Nous avons une douzaine d'heures, le président ne rentre d'Allemagne que ce soir. Bien, monsieur. Bureau de Mathieu Fouché, 8h10. 455, 231, 126, Gamma, Tango, Tango. Ici, Michel. Fouché à l'appareil, où êtes-vous ? Copenhague. Vous avez avancé sur l'ambassade de Grèce ? Affirmatif. Et vous avez l'identité de l'homme que Créange a rencontré ? Kostas Tyrgios. Je veux savoir pourquoi ils se sont vus. Je le rencontre cet après-midi. Enregistrez votre entretien et faites-moi parvenir la bande. Je veux une trace de cet échange. On se couvre. Oui. Gardaïa, Hôtel des Dunes. 14 juillet 1981, 16h. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, je suis de passage à Gardaïa et on m'a dit que votre hôtel valait le détour. Il est vrai que nous sommes le seul hôtel de luxe du pays qui bénéficie d'une telle situation. Il a perdu de sa splendeur, mais les chambres sont propres et spacieuses et très calmes. Vous voulez rester combien de nuits ? Disons pour une semaine. Vous auriez un peu d'eau ? La chaleur est écrasante. Bien sûr, Smiley. Je manque à tous mes devoirs. Monsieur Mekloufi, Karim. Tenez, Karim. Vous pouvez m'appeler Ibrahim. Saralik. Léchik. Chambre 8. Vous êtes seulement deux dans l'hôtel. Je vous mets au même étage. Qu'est-ce qui vous amène à Gardaïa ? Je viens régler une vieille histoire de famille. Les années boumdiennes. Ça a été compliqué pour tout le monde. Ça n'a pas fait que du bien. Avec Benjdid à la présidence, ça va aller mieux. Il faut avoir confiance en Algérie. Votre pays est bon. Il est fier. Nos jeunes gens sont pleins de force. Nous avons le désert et la mer. La terre, l'Atlas. Nous sommes le joyau de la Méditerranée. Mon histoire est plus ancienne que ça. Elle remonta avant l'indépendance. La France a obscurci le destin de notre pays pendant plus d'un siècle. Mais nous y avons mis fin. L'Algérie existait avant et elle existera encore longtemps. Ce pays est un bourgeon sur lequel un mauvais vent va souffler. Vous parlez bien, Ibrahim. C'est rare d'entendre l'Algérie raconter avec autant de lyrisme. Ne vous moquez pas. Ah non, je suis très sincère. Cet hôtel, c'est un vestige de l'Algérie qui demeure, avec ses blessures ouvertes et celles qui se referment. Cette photo sur le mur, c'est Bouteflika ? 15 ans, ministre des Affaires étrangères. Il est venu une fois en vacances dans les années 60. Et sur celle-là, en bas, c'est qui ? L'ambassadeur d'Angleterre. Et à côté, l'homme avec la moustache. Ah ça, c'est Hector Créange, un Français qui venait souvent après la guerre. Vous le connaissez ? Bien sûr. Je ne partage pas sa vision des choses, et certainement pas celle de l'Algérie. Mais je dois admettre que j'aime me disputer avec lui. Un Français ici, c'est drôle. Il vient une fois par an à peu près. D'ailleurs, il était ici la semaine dernière. Ah oui ? Il doit revenir dans une semaine. En attendant, si vous voulez de la compagnie, vous pouvez toujours parler à sa fille. Mais je vous souhaite bien du courage. Elle n'a pas l'air facile. Merci. Je vais tenter ma chance. Younes, il est bien loin. On n'est jamais. C'est mon neveu Younes qui va monter votre valise. Moi, j'ai plus l'âge. Paris, siège du SDEC, 15 juillet, 22h10. Non, l'arrière pour l'instant. Merci de la porte. Merci. Et vous, Martino ? On essaye de comprendre ce qui se trame chez Lockheed à Burbank et sur quoi travaillait Jan Evans avant sa disparition. Nous ne savons pas encore à quoi correspond le projet Senior Trent. Oui, entrez. Monsieur le directeur, un colis arrivé par valise diplomatique pour vous. Protocole Colbert. Donnez-le-moi. Veuillez me laisser, je vous prie, nous reprendrons cette discussion plus tard. Ok. Restez, Morel. Bien, monsieur. C'est l'enregistrement de l'entretien entre Luciol et Kostas Kyrgios, l'attaché culturel de l'ambassade grecque de Copenhague qui a reçu Créange. Bien. Regarde-moi. Bordel, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais rien. Pourquoi as-tu reçu Hector Créange dans ton bureau à l'ambassade ? Quelqu'un m'a demandé de recevoir un officiel français et de lui laisser mon bureau pour une heure. Il avait besoin de passer des coups de téléphone confidentiels. Je devais quitter la pièce pendant les communications. Je ne sais rien d'autre. Qui t'a demandé de faire ça? Je peux rien vous dire. Tu vois cette pince? Non. Je vais m'obliger à m'en servir. Qu'est-ce qu'il fout là? Allez, sois pas timide. Donne-moi ta main. Pas ça. Qui t'a demandé de faire ça? La canne, Polo. C'est pas un calot, c'est pas un calot. Je ne les connais pas. Ils m'ont payé en dollars. Je ne suis qu'un intermédiaire. Par pitié. Je l'ai juste laissé passer un coup de fil. Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais rien. On peut pas se comporter comme ça avec un diplomate d'un pays ami. C'est quoi? Le protocole Colbert est assujetti à aucun contrôle démocratique, et lui seul le sait. Il s'affranchit de certaines règles au profit d'une certaine efficacité. Qu'est-ce que tu préfères? Je vais parler. J'entends ça. Arrêtez. Ça se prend un canot. Arrêtez. Je t'écoute. C'est Ludmil. Il travaille à l'ambassade de Bulgarie. Ludmil Lalova, c'est lui qui m'a demandé de recevoir le français dans mon bureau. Bah tu vois, quand tu veux. Arrêtez. Ludmil Lalova, ça me dit rien. S'il appartient au KSB, c'est pas bon pour nous. Les services secrets bulgares. Autant dire une antenne du KGB. Ranger le KGB. Mettez la cassette au coffre, Morel. Je dois prévenir l'Elysée. Bien, monsieur. Allô? Bonjour, Mathieu Fouché, directeur du SDEC. Passez-moi le secrétaire général, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Patrick Carr. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Fouché, votre affaire n'a que trop duré. Vous mettez l'Elysée en danger avec ce dossier qui traîne. On sait qu'Hector Créange s'est rapproché d'un agent du service bulgare. Le KGB n'est pas loin. Le KGB? Hier encore, c'était les Américains. Il a été retourné par Orlov, c'est-à-dire Afanassiev, le ministre des constructions mécaniques d'Union soviétique. Il va passer à l'Est, avec les secrets américains volés par sa fille, comme garantie d'une confortable retraite. Retrouver Créange, sa fille, ou mieux, les deux. Sinon, pas déjà franchi le rideau de fer. Et avant les Américains, bien sûr. Cela nous permettra de nous racheter éventuellement auprès d'eux, et en tous les cas de mettre fin à ce foutu cirque. Bien, monsieur. Mettez Créange hors d'état de nuire. Quitte à l'éliminer. Hôtel des Dunes, 17 juillet 1981, 20h10. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous permettez que je me joigne à vous? Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de tables disponibles? Ça fait 3 jours que je suis dans cet hôtel désert, alors la perspective de dîner en parlant à un être humain plutôt qu'à mon verre me ravirait. Asseyez-vous si ça vous chante. Je ne suis pas très bavarde. Monsieur Karim, ce soir c'est Rose Bradel. Ça vous va, Agdak? C'est parfait, Younes. Saha. Et du vin. Une bouteille et 2 verres, s'il te plaît. Ma cache, Mouchki. Ça arrive. Je ne bois pas. Mais je boirai pour vous, alors. Vous êtes française? Oui. Moi aussi. Et algérien. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Je suis désolée, mais je vais vous laisser. J'ai terminé mon dîner. Ne partez pas déjà. Dîner seul, ça me fout le bourdon. Que faites-vous dans cet hôtel? Je suis là à cause d'une histoire de famille. Et vous? Je suis ici pour mon travail. Rose Baratel et le vin. Sahatkom. Saha, Younes. Je vous sers. Je vous l'ai dit, je ne bois pas. Et vous travaillez pour ? Gaz de France. Je viens visiter le site de Sonatrach à Assimé Saoud. Vous étiez déjà venu ici auparavant ? Non. Une Française seule dans un hôtel perdu au milieu du désert algérien. C'est quand même plutôt inhabituel. Un franco-algérien dans ce même hôtel alors qu'il dit être là pour des histoires de famille, c'est tout aussi inhabituel. GDF, vous envoyez toute seule sur cette mission ? Vous voyez quelqu'un d'autre ? Vous n'avez pas besoin d'être désagréable. J'attends un collègue. Et vous, vous allez rester longtemps ici ? Ça dépendra de mon affaire. C'est votre première fois en Algérie ? Non. Winskunt. Je ne parle pas arabe. Sur ta hadriya arabia. Je comprends pas ce que vous me dites. Je vois. Et vous voyez quoi ? Un grand mystère. Raté. Je peux vous apprendre quelques mots en arabe. Je n'en aurais pas besoin. Monsieur... Mikloufi. Mais je vous autorise à m'appeler Karim. Et vous ? Sophie Bizet. Et je ne vous autorise pas à m'appeler Sophie. Bonne soirée, monsieur Mikloufi.